a-t-il un équivalent dans le monde ? Une histoire des civilisations est un livre qui cherche à englober l'histoire de l'humanité de façon synthétique au prisme de l'archéologie. Ce best-seller a été signé par une centaine de scientifiques et co-dirigé par Jean-Paul Demoon. Ce spécialiste du néolithique défend l'idée que l'archéologie n'est plus seulement l'étude des sociétés du passé, mais celle de toutes les sociétés humaines à travers leurs traces matérielles. D'où la place essentielle de cette discipline dans les réflexions actuelles sur le devenir de la planète en regard de son histoire. Avec Jean-Paul Demoul, c'est sûr, le passé a de l'avenir. Jean-Paul Demoul manifeste pour une archéologie au présent, c'est la discussion à tous les temps qui sera la nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors, à l'occasion de la sortie de ce livre, qui est une véritable somme, on va avoir l'occasion d'en parler, il s'appelle « Une histoire des civilisations », il est coédité par La Découverte et INRAP. Nous avons donc la chance d'être en compagnie de Jean-Paul Demoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste du néolithique et de l'âge de fer, comme on aura l'occasion d'en parler. Vous avez participé à l'élaboration de la loi française sur l'archéologie préventive et à la création de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, que vous avez présidé entre 2002 et 2008. Alors, comme tous les jours, cette émission est à écouter en direct sur les ondes de France Culture. Vous pourrez ensuite retrouver ce programme en replay sur franceculture.fr, sur notre site web. Il y a aussi l'option des podcasts sur votre appli préférée. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à l'adresse @laméthodefc. Nous allons poster durant toute l'heure qui vient les informations qui permettront de compléter cette conversation que nous avons avec Jean-Paul Demoul. Alors, je disais en sortie de mon introduction, si je puis dire, que avec vous, le passé a de l'avenir. L'avenir du passé, c'est un de vos livres précédents. Vous l'aviez signé avec Bernard Stiegler, si je ne m'abuse. Oui, c'était en fait c'est les actes d'un colloque, puisque quand on a mis en place l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, jusqu'à présent les fouilles archéologiques dites préventives, on disait sauvetage avant, étaient très peu, étaient assez minoritaires. Et là, avec la loi de 2001 et la création de l'INRAP, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Et il y a eu d'abord les premiers temps, les levées de boucliers, aussi bien de gros entrepreneurs, mais surtout d'élus, notamment d'élus locaux, sur la base de l'archéologie, ça sert à rien. Ce que vous trouvez, c'est pas Pompéi. Alors c'est voilà, pas, vous disiez en voilà. France, on va pas trouver tout en Camon. Hein, voilà, ça sert à rien, quoi. Finalement. C'est ça. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment le problème était moins financier, parce que l'archéologie, c'est à peu près 1 ou 2% des coûts d'une autoroute, d'une ligne de TGV, etc. Donc c'était plutôt un problème de légitimité culturelle. On s'est dit, faut montrer à quoi ça sert, d'où ces colloques. Alors l'INRAP, on en parlera tout à l'heure, oui, dans la suite de l'émission. Aujourd'hui, si on a la chance de discuter avec vous, c'est parce qu'il y a ce livre qui sort, qui s'appelle « Une histoire des civilisations » que vous avez co-dirigé avec Dominique Garcia et Alain Schnapp. C'est un livre qui est édité par La Découverte et donc l'INRAP. Et ce livre, je le disais, alors un best-seller, il en est déjà sa 3e réédition. Oui. Et il a une ambition, j'allais dire délirante. C'est quoi l'ambition de ce livre ? C'est en gros de faire l'histoire du monde, ou du moins celle de l'humanité, c'est-à-dire les 7 derniers millions d'années. En même temps, en le rendant accessible au public, au grand public. Il faut bien insister sur ce point. Hein. C'est un livre qui est fait par des spécialistes. Ils sont nombreux, mais c'est un livre pour le grand public. Il y a eu un gros travail de réécriture et aussi un livre où on décentre par rapport à la France et même à l'Europe. Il y a un tiers de collègues étrangers qui ont participé à cet ouvrage. Et donc, à chaque fois, ça nous oblige à être très court. c'est-à-dire 25 000 signes pour ceux à qui ça dit quelque chose. Ça veut dire c'est des papiers qui font quoi, 4-5 pages à chaque fois pour l'Empire romain au hasard ou les empires chinois à partir des Han. Donc c'est très concentré, mais on a voulu que ce soit accessible et on couvre tout depuis les premières formes humaines jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a aussi une archéologie du temps présent. Alors il y a une centaine de contributeurs à ce livre. Quel est leur point commun? Vous avez dit il y a des chercheurs français, il y a des chercheurs étrangers. Ils ont nécessairement un terrain d'entente, si je puis dire. À chaque fois, on a essayé de trouver et les meilleurs spécialistes et les spécialistes qui sont capables de s'adresser à un public normal, si j'ose dire, parce que tout le monde ne sait pas. Quelquefois, les gens ont tendance à se réfugier un peu dans leur jargon, ont peur d'être mal jugés s'ils sont trop... C'est pas un hasard si en France, on appelle ça souvent de la vulgarisation. Il y a le mot vulgaire dedans. Donc, si on s'adresse aux gens, or c'est quand même le public qui paye les archéologues vous dites souvent que ça fait partie de la mission de l'archéologue que de toucher le public, de tout chercheur en général et notamment de l'archéologie des archéologues, et c'est d'autant plus facile que plein d'enfants ont rêvé d'être archéologues, moi compris, et que c'est assez facile à comprendre et que ça passionne. En sautant du taxi pour arriver ici, vous m'avez dit « je suis tel Indiana Jones ». Voilà. L'archéologie, dans l'imaginaire collectif de chacun, on ramène ça au passé. Mmh. Ce qui est intéressant, notamment dans ce livre, et qu'on retrouve dans le texte introductif d'Alain Schnapp, à travers une citation de Saint-Augustin, c'est l'idée suivante « qui oublie ce qu'il commence, saura-t-il comment il peut finir ?» L'archéologie est une science qui dit évidemment des choses sur le passé, mais aussi sur le présent et l'avenir. Oui, absolument, parce que ça nous montre ce qui s'est passé avant, ça nous montre les erreurs qu'ont fait un certain nombre de civilisations, par exemple celles qui sont allées dans le mur, et en même temps ça nous enracine dans une histoire, parce que actuellement on a un peu tendance à être perdu, à se demander où on va, etc. Et ça montre qu'on se situe dans une certaine continuité, qu'au hasard des migrations on a toujours eu, que des états ou des civilisations, ça dure un certain temps, puis après c'est remodelé et ça repart dans un autre sens, on voit apparaître les techniques, les différentes formes sociales, etc. Donc on est vraiment au cœur de la compréhension de notre histoire, qui des fois donne l'impression de pas être bien, on a du mal à se situer. Aujourd'hui, c'est des moments de doute, etc. Et l'archéologie permet de nous remettre les pieds sur terre. C'est un instrument pour un lecteur contemporain. À un moment, on se pose des questions sur son identité, sur ce qui fait une nation. Oui, je pense que c'est pas un hasard si ce livre marche bien. Il est même provisoirement en rupture de stock, en partie, parce qu'il répondait vraiment à quelque chose. Et il n'y a même pas d'équivalent, d'ailleurs, en langue anglaise. Alors dans le livre, les trois directeurs dont vous essayez d'identifier les thèmes auxquels l'archéologie doit se confronter aujourd'hui et qui se poseront dans les temps qui viennent, est-ce qu'on peut essayer de les déployer comme ça rapidement? Il y a notamment la question de la localisation et du berceau de l'hominisation. Oui, c'est une des choses qui a avancé beaucoup toutes ces dernières années, notamment parce que l'Afrique est un continent gigantesque et très peu exploré, et en plus difficile aussi pour des raisons géopolitiques. Donc on n'a pas arrêté de reculer l'humanité. Quand j'ai commencé à être étudiant fin des années 60, c'était 600 000 ans, et maintenant c'est 10 fois plus, c'est 6 à 7 millions d'années. Les premiers outils, ils étaient, jusqu'à il y a peu de temps, c'était 2 millions d'années. C'est pour ça qu'on commençait à parler de Homo, dans la classification avec un mot latin. Et puis, il y a 3-4 ans, on a découvert au Kenya des outils qui avaient 3 300 000 ans, qui donc devaient appartenir à des australopithèques, la forme humaine antérieure, mais qu'on appelait pithèque, justement, ça veut dire singe en grec ancien. Donc on les imaginait encore incapables d'avoir des outils. On a découvert dans les dernières années des nouvelles formes humaines inconnues, l'homme de Flores dans cette île indonésienne de Flores, l'homme de Denisova en Sibérie qui était parallèle à Néandertal il y a entre 300 000 et 100 000 ans. On a découvert que vous et moi et la plupart des auditeurs on a entre 2 et 4% de gènes Néandertal. De Néandertal et d'autres ont des gènes plutôt les Asiatiques ont des gènes des Denisoviens. On a découvert encore tout récemment une nouvelle espèce qui s'appelle Homo naledi en Afrique du Sud. On a fermenté les débuts d'Homo sapiens à moins 300 000 ans, alors qu'il n'apparaît en France avec les fouilles de Djebel Irhoud. Oui, c'est ça. Alors qu'il n'apparaît toujours d'ailleurs qu'il y a seulement 40 000 ans en Afrique. Et ça donnait aussi à propos de cette question du berceau l'idée que l'humanité c'est un berceau à roulettes. C'est pas un point précis d'où auraient jailli les premières formes humaines et un peu plus tard Homo sapiens, mais que ça, il faut imaginer un buissonnement de primates s'hominisant progressivement au fur et à mesure de la sélection naturelle, mais n'arrêtant pas de se croiser. Et l'exception, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'on est tout seul, on est l'espèce orpheline, comme l'a dit Jean-Jacques Hublin. Alors, l'humanité est un berceau à roulettes. On va pas parcourir tous les thèmes que vous identifiez dans ce livre. On va en citer quand même un dernier, c'est celui de la mondialisation. La mondialisation, c'est une question pour les archéologues. Oui, bien sûr, parce que on voit une tendance à la formation d'entités sociétales de plus en plus grandes. Au début, les chasseurs-cueilleurs, c'est des petits groupes de 30-40 personnes. Les premiers agriculteurs sont à 200, puis ça monte comme ça. Les États, c'est plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Et puis, à partir du dernier millénaire avant notre ère, on voit émerger les premiers empires. Alors, ça dure plus ou moins. Il y en a qui ont une certaine constance, comme l'Empire chinois ou l'Empire russe, et puis d'autres qui montent et qui redescendent, les empires coloniaux européens, l'Empire mongol, qui est le plus grand qui ait jamais existé, 33 millions de kilomètres carrés, 60 fois la France, mais qui va durer que très peu de temps. Mais globalement, il y a cette interconnexion de plus en plus forte. Et quand on regarde effectivement la globalisation actuelle, mais aussi les réseaux internet ou les GAFA, etc., on voit qu'on va vers la constitution de ces entités qui sont de plus en plus planétaires, et c'est vraiment dans une logique globale de la trajectoire humaine. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h13 sur France Culture, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique. Nous sommes en compagnie de l'archéologue Jean-Paul Demoule à l'occasion de la sortie du livre qu'il a co-dirigé, Une histoire des civilisations, qui est publié par La Découverte et l'INRAP. Alors Jean-Paul Demoule, on l'a dit en introduction de cette émission, vous êtes un spécialiste du néolithique. Le néolithique, c'est une période de temps qui est assez gigantesque, mais c'est aussi un trou noir dans l'esprit de nos contemporains. Oui, ça dure plusieurs millénaires, ça commence il y a 10 000 ans. 10 000 ans, il faut se rappeler que c'est quand même rien du tout par rapport aux 7 millions d'histoires humaines. Et c'est là que tout va changer, parce que on va passer de sociétés, de petits groupes de chasseurs nomades à des agriculteurs sédentaires. Et ça fait exploser la démographie humaine. On était à peu près 1 million il y a 10 000 ans, et maintenant on est 6, 7, 8 millions. milliards. C'était des petits groupes relativement égalitaires. Maintenant, comme on sait, 1% de l'humanité possède 50% des richesses, etc. Tout se passe là, à ce moment-là. Et très bizarrement... Donc le néolithique, c'est le moment où les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent. Voilà, c'est ça. Et se transforment, une partie d'entre eux se transforme en agriculteurs. Et comme les agriculteurs, on y reviendra sans doute, ont une démographie beaucoup plus forte que les chasseurs-cueilleurs, ben ils vont absorber les chasseurs-cueilleurs ou les repousser dans les endroits les plus inhospitaliers, c'est les Inuits actuels ou les Bushmen du Kalahari. Donc c'est ça qui va effectivement tout changer. Ça commence quand le néolithique ? Ça commence aux alentours de 10 000. Donc néolithique en grec, ça veut dire pierre nouvelle, parce que c'était dans les vieilles classifications du 19e siècle, on disait l'âge de la pierre ancienne et de la pierre ou de la pierre taillée, et l'âge de la pierre nouvelle ou de la pierre polie. Parce qu'effectivement, au néolithique, on a des haches polies qui servaient à couper le bois pour défricher, construire les maisons, etc. Donc, d'où ce terme. Et on s'est aperçu que derrière, c'était pas le fait qu'il y ait des haches en pierre soigneusement polies, c'était l'agriculture et l'élevage. Et donc, ça commence aux alentours de 10 000 avant notre ère, et dans plusieurs endroits du monde, de manière séparée. Donc, c'est pas une invention géniale qui serait diffusée. Il faut imaginer des petits groupes qui font des expériences de domestication d'animaux et de plantes dans plusieurs points du monde. Le Proche-Orient, le nord de la Chine, le sud de la Chine, le Pérou, le Mexique, la Nouvelle-Guinée, peut-être le nord de l'Afrique, qui font ces expériences. Ça marche, ça marche pas. Il faut l'imaginer échelonné sur plusieurs siècles, voire millénaires. C'est la première sélection du vivant. C'est la première action de l'homme sur le vivant. C'est les premières manipulations génétiques, d'une certaine manière, puisque à chaque fois, on va sélectionner, par exemple, la domestication du loup pour le transformer en chien. Il y a 10 000 ans, tous nos chiens du caniche nain au Saint-Bernard étaient des loups gris. Et là, à chaque fois, en sélectionnant les traits qu'on voulait de gentillesse, au contraire d'agressivité, de couleur, de pelage, etc., a fait ces transformations. Mais d'une certaine manière, l'homme s'est aussi domestiqué lui-même, parce que il s'est engagé dans une espèce de processus irréversible, de travail beaucoup plus pénible, avec toutes les suites qu'on verra, l'apparition des états, etc. Et il transforme aussi sa nourriture. On passe de la viande à la bouillie de céréales sucrées, et donc avec des modifications sur son corps. Ils sont plutôt plus graciles, les néolithiques, hein, que les chasseurs-cueilleurs. On voit les caries qui commencent à apparaître, puis à exploser à cause de cette nourriture trop sucrée. Et on en arrive effectivement sur l'actuel 6 ou 7 milliards d'humains, 1 milliard qui ne mangent pas leur faim et 1 milliard en surpoids. Comment ça se passe sur le territoire qui n'est pas encore le territoire national? Comment la France est néolithisée? En fait, elle est néolithisée par des migrants qui viennent du Proche-Orient, parce qu'en Europe, les gens continuent à être chasseurs-cueilleurs. L'émergence du néolithique, elle s'explique aussi parce que jusqu'il y a 10 000 ans, on était dans une période glaciaire. L'histoire de la Terre alterne les périodes glaciaires et celles qu'on appelle interglaciaires. Donc, c'est des oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Donc là, il fait de nouveau un climat tempéré. Le cerveau humain continue à se complexifier. Dès 40 000 ans, même si Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, c'est seulement à partir de 40 000 ans qu'il se met à dessiner, à représenter. Donc on voit qu'il y a quand même une complexification régulière. Et il faisait froid depuis moins 115 000 ans. Là, il commence à faire beau. Et donc, on voit ces différents groupes qui apparaissent. Mais c'est seulement dans quelques régions que ces groupes de chasseurs-cueilleurs vont se transformer en agriculteurs. En France, il faut imaginer toute l'Europe, dont la France, couverte d'une forêt vierge d'espèces tempérées, donc chênes, tilleuls, bouleaux, etc., frênes, avec des animaux tempérés également, chevreuils, cerfs, sangliers, aurochs. Et donc, les gens étaient très contents, et ça aurait pu durer jusqu'à maintenant, on aurait pu continuer à ramasser des champignons et des fraises des bois et à chasser des chevreuils. Mais comme au Proche-Orient, on commence à domestiquer blé, orge, lentilles et moutons, chèvres, bœufs, porcs et chiens. Le boom démographique qui est entraîné par la sédentarité et une nourriture plus sécurisée et qui fait que les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3-4 ans et les agricultrices un enfant par an jusqu'au 20e siècle dans l'Europe traditionnelle, fait que le surplus de population va commencer à migrer à partir du Proche-Orient. Il va franchir la mer Égée vers 6500 avant notre ère et va comme ça en moyenne 20 ou 30 kilomètres par génération, le surplus de population va progresser et se heurte au mur de l'Atlantique vers moins 4500. Alors à propos de cette étude du néolithique, on va écouter maintenant une archive qui a été diffusée pour la première fois le 10 juillet 1951 dans l'émission L'heure de culture française diffusée sur la RDF et on y entend le préhistorien Louis-René Nougier. L'archéologie préhistorique serait une pauvre chose si elle se bornait à compiler les innombrables documents lithiques qu'elle rassemble sans en tirer toute leur signification humaine. Elle doit pleinement nous restituer les civilisations primitives avec leur genre de vie, leur économie, leurs expériences, leurs acquis, leur apogée ou leur déclin. Cette restitution est infiniment riche de résonances humaines. Elle n'est pas sans de graves difficultés. Ignorant le fâcheux cloisonnement des disciplines scientifiques, cette restitution s'avère délicate par la complexité des sources. En essayant de jeter quelques lueurs sur la grande révolution du néolithique en Occident, fait-on œuvre d'historiens, de géographes, d'archéologues, ou plus simplement encore d'humanistes. Alors, Jean-Paul Demoule, j'imagine que Louis-René Nougier, ça vous parle ? Oui, c'est toute l'atmosphère des radios de l'époque, hein, c'est pas le même temps. Ça grésille, hein. Pardon ? Ça grésille, on entend que ça grésille. Oui, puis c'est pas le même ton de conversation que celui que nous avons aujourd'hui. Donc, c'était un des premières chaires de préhistoire en France. Il était professeur à Toulouse. Il s'intéressait au paléolithique, aux grottes peintes, notamment à Rouffignac, mais aussi au néolithique. Sur le néolithique, il s'est plutôt trompé d'ailleurs, et on l'a plutôt oublié, mais en tant qu'archéologue, j'apprécie d'entendre sa voix. Alors, il parle du néolithique, effectivement, oui. Et il y a un aspect dont on n'a pas encore, ou qu'on a un petit peu abordé par rapport au néolithique, c'est que c'est aussi le moment où naissent les inégalités. Oui. Et à quoi on le voit ? Notamment aux sépultures, d'après ce que j'ai compris. Oui, essentiellement parce que les tombes, quand les gens de l'époque ont la gentillesse d'enterrer quelqu'un et pas de l'incinérer, d'une part, et de poser à côté de lui des objets qui sont significatifs de son statut quand il était vivant, ça permet d'étudier la société. Alors il y a toujours des contre-exemples. Hein, le roi d'Arabie Saoudite ou le pape en tant chefs religieux, ils se font enterrer juste dans un simple cercueil en bois, et donc on imaginerait mal sa richesse aujourd'hui. Et où dans l'hindouisme, la catastrophe archéologique est que on brûle les gens et on les jette leurs cendres dans le Gange. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Mais sinon, la plupart du temps, on a effectivement des vrais cimetières et on peut associer le statut des vivants en général statistiquement proche de celui des morts et inversement. Or, dans les premiers temps du néolithique, on voit très peu de différences dans les tombes. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, on ne met pas les mêmes objets, entre les jeunes et les vieux, mais sinon il n'y a pas beaucoup de différences. Et vers 4500, justement au moment où on arrive à l'Atlantique et on peut pas aller plus loin, et donc ces masses humaines ne vont pas arrêter de croître jusqu'à nos jours et continuer à le faire. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a des gens pas pareils. Un cimetière très célèbre en Bulgarie, à Varna, au bord de la mer Noire, il y a 400 personnes à peu près. Il y en a qui ont très peu de choses, un vase, une épingle en os ou même rien du tout. Et puis il y a un type qui a 1 kilo d'objets en or. C'est les plus anciens objets en or qu'on connaisse. D'autres qui en ont un peu moins, mais etc. Donc on voit vraiment les différences à ce moment-là qui se creusent entre humains, qui s'expliquent à la fois parce qu'effectivement il y a de plus en plus d'humains. Et dans tout groupe, même de chasseurs-cueilleurs, il y a toujours un peu des leaders charismatiques qui sait mieux chasser, qui sait mieux parler avec les esprits, mieux faire la guerre, mais ça reste limité. À partir du moment où on a plus d'humains qui produisent plus, à ce moment-là, le pouvoir politique, moral, peut s'accompagner d'un pouvoir économique. Il y a des choses à posséder. Et ce qu'on sait aussi par l'histoire et l'ethnologie, c'est que les dominances donnent toujours comme d'une essence différente, comme en lien avec le surnaturel. Les rois de France étaient de droit divins. Ils étaient sacrés au sens propre du terme, avec une huile sainte apportée par une colombe. Les empereurs du Japon descendent de Amaterasu, la déesse du soleil. Le pharaon fait venir les eaux du Nil, etc. Donc ils se donnent en relation avec le surnaturel. Et là, on voit que effectivement, dans ces monuments funéraires, notamment par exemple sur les bords de l'Atlantique, là où on peut pas aller plus loin, on construit des tombeaux, ce qu'on appelle les dolmens, qui sont des chambres funéraires en grosse pierre et qui étaient recouverts comme les pyramides de masses de terre et de pierre. Eh bien, à la fois ces monuments sont réservés à l'élite et qu'en même temps on y fait des sacrifices, des cérémonies, etc. Donc, ces élites émergentes sont capables, comme on a dit parfois, de manipuler l'imaginaire des autres, sans doute en toute bonne foi. Les rois de France pensaient certainement qu'ils étaient droits divins, mais en leur donnant cette force, effectivement, de conviction, ce qui n'est toujours pas expliqué, cette question célèbre posée par intellectuel du XVIe siècle, un ami de Montaigne, Étienne de la Boétie, c'est la servitude volontaire. Pourquoi est-ce que les gens acceptent d'être dominés? Alors là, le recours au divin est une des explications possibles, mais c'est une vaste question à laquelle on n'a toujours pas répondu. Et il faudrait écrire encore, il reste à écrire l'histoire des mécanismes de résistance à ces phénomènes oppressifs, parce que c'est des... Il y a des retours en arrière, quelquefois. Oui, régulièrement, quand on voit dans l'histoire récente, on sait très bien que à partir du moment où un pouvoir devient trop oppressif, se produit ce qu'on appelle des révolutions. Et ça arrive, c'est attesté partout. Si on regarde, mais là on a des textes, si on regarde des périodes plus anciennes, on n'a pas de texte, mais on voit par exemple que entre 4500 et 4000, on a ces grands monuments funéraires sur les bords de l'Atlantique, avec des objets précieux dedans, des haches très fines en jadéite qui viennent des Alpes, etc. Et puis il y a un moment où tout ça disparaît et on va au contraire trouver des monuments beaucoup plus simples et beaucoup plus de gens dedans. Donc une révolution sinon démocratique, du moins peut-être oligarchique ou quelque chose comme ça. Et on voit très très régulièrement cette alternance entre des périodes où les richesses sont très concentrées et d'autres périodes où au contraire elles sont beaucoup moins visibles, où également les habitats on trouve plus de quelque chose qui ressemblerait à des palais, etc. Donc il faut pas s'imaginer c'est l'histoire de l'humanité comme une espèce de flèche ascendante, mais plutôt comme des oscillations régulières de périodes d'inégalités fortes et d'inégalités plus faibles. Si bien qu'on pourrait prédire qu'actuellement on est plutôt dans une période d'inégalités fortes, ben on voit bien qu'il y a régulièrement des soubresauts de temps à autre et qu'on peut prévoir, mais c'est plus facile de prévoir le passé que l'avenir, mais que certainement à un moment ou à un autre il devrait se passer quelque chose dans nos sociétés. Il va y avoir un point de rupture. Il y a une autre question qui vous passionne, c'est celle du problème archéologique indo-européen. Vous lui consacrez un papier dans cet ouvrage, Une histoire des civilisations, édité par La Découverte et INRAP. C'est quoi ce problème par rapport aux indo-européens? C'est qu'il y a un mythe qui dit que tous les peuples qui parlent les langues indo-européennes viennent du même peuple, quoi, ont la même origine. Oui, c'est une histoire. J'ai consacré un livre entier. C'est un problème auquel beaucoup de proto-historiens se sont confrontés, qui est que les langues de l'Europe et d'une partie de l'Asie occidentale, donc le perse et les langues de l'Inde, sont apparentées, à peu près la même construction, déclinaison, etc. Et ça diffère d'autres groupes linguistiques, comme les langues sémitiques, avec l'arabe et l'hébreu, ou les langues dites sino-tibétaines, avec le chinois, etc., qui ont des constructions assez différentes. Donc, on a ces grandes zones linguistiques. Et comme on a l'exemple du latin où la conquête romaine a fait naître les langues romaines actuelles, le français, le portugais, le roumain, l'occitan, etc., on a ce schéma d'un petit peuple parti de quelque part et qui aurait conquis toute l'Europe et une partie de l'Asie. Et comme ça apparaît à la fin du XVIIIe siècle et ça se développe tout le XIXe siècle, c'est aussi l'image remontée dans le temps de la colonisation européenne, puisque c'est le moment où l'Europe part à la conquête du monde et d'une certaine manière, ça légitime cette conquête européenne. Et puis ça émerge fin 18e, début 19e, alors que la situation des Européens est ce que j'ai appelé schizophrénique, c'est-à-dire que tout groupe humain a un mythe d'origine qui explique comment les humains sont apparus et qu'eux sont particulièrement bien et leurs ennemis beaucoup moins bien. Mais les Européens, le mythe qui raconte la création du monde et des hommes, c'est la Bible. Et la Bible, c'est les Juifs, et les Juifs, c'est ceux qu'on massacre s'il y a un problème. Donc c'est quand même très compliqué comme situation, d'où mon expression de schizophrénie. Donc on voit qu'au XVIIIe siècle, au fur et à mesure que la Bible perd un peu de sa crédibilité avec la montée du mouvement scientifique et de la pensée rationnelle, les Lumières, etc., eh bien en même temps, on va essayer de se trouver un mythe d'origine un peu plus acceptable. Et comme la conquête anglaise et française des Indes fait découvrir le sanskrit, donc la langue ancienne de l'Inde, on s'aperçoit qu'il y a des ressemblances avec la structure du latin, du grec et également dans le vocabulaire. Et donc on va construire cette idée du petit peuple méritant parti d'un endroit de la planète. Alors on l'a cherché à peu près partout, on l'a localisé à peu près partout, et ma position effectivement quand on a des problèmes comme ça, c'est que sans doute c'est mal posé, et que plutôt que d'une espèce de diffusion conquérante, il faut imaginer aussi bien sur le plan linguistique, sur le plan de la culture matérielle, sur le plan de la génétique, il faut imaginer des mouvements lents et perpétuels, l'Europe étant une péninsule, la fin de la péninsule occidentale de l'Asie, et bien que s'il n'y a jamais eu vraiment d'origine, mais il y a eu des brassages permanents et que ces ressemblances s'expliquent comme ça. Thank you. Alors c'était Archéologie par Louis Clavis. Nous sommes sur France Culture, il est 16h34. On discute toujours avec Jean-Paul Demoule à l'occasion de la sortie du livre Une histoire des civilisations, édité par La Découverte et INRAP, qu'il a co-dirigé avec Dominique Garcia et Alain Schnapp. Jean-Paul Demoule, est-ce que en France on a un problème avec l'histoire nationale? Vous relevez souvent dans des entretiens, je crois que je l'ai lu dans Science et Avenir, dans un papier de Bernard Arnault, que le plus grand musée national, le Louvre, oui, regorge de statues mésopotamiennes, de beauté égyptienne et grecque, mais il y a rien sur les Gaulois, il y a rien sur la France. Oui, parce que un grand musée national, quand se constituent les identités nationales, il faut se rappeler qu'une nation, c'est une notion récente. Avant la fin du XVIIIe, il n'y a que des royaumes avec des rois de droit divin qui agrandissent ou qui rétrécissent leur royaume au gré des guerres et des mariages. La notion de nation comme communauté de citoyens, c'est le romantisme et la révolution. Et à ce moment-là, toutes ces nouvelles entités nationales se construisent un roman national forcément glorieux. Et dans tous les pays du monde, il y a un grand musée national au centre de la capitale. Et comme vous venez de le dire, notre grand musée national dans le palais des rois de France, eh bien il n'y a que l'Orient, la Grèce et Rome. Alors pourquoi est-ce que c'est un oubli? C'est simplement parce que l'histoire de France, l'histoire officielle de la France commence par une défaite. Les Gaulois sont battus par les Romains et sur les Gaulois, avant l'archéologie justement, qui nous a donné une image très différente, les Gaulois sont décrits comme des brutes avinées, cruelles, se tenant très mal, se laissant pousser la barbe alors que les gens civilisés se rasaient, etc. Et puis, ils sont donc conquis par les Romains, et les Romains, à leur tour, vont être conquis par les Francs de Clovis. Mais les Francs eux-mêmes, ils disparaissent. On parle du français actuellement, mais en fait, c'est du latin mal évolué. Et donc, trois défaites pour constituer une nation, construire son identité sur des barbares et sur des défaites, c'est très compliqué. Et beaucoup de nations construisent leur histoire sur des victoires. Les États-Unis, si on sonne la cloche de Philadelphie, on va bouter les Anglais hors des futurs États-Unis. L'Allemagne, c'est la victoire de Arminius le Germain contre les armées d'Auguste en l'an 9 de notre ère, et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué à vivre, et pour les élites françaises, le vrai passé, en tout cas leur passé culturel, c'est l'Orient, la Grèce et Rome. Et c'est Napoléon III qui va fonder le musée qui va s'appeler longtemps Musée des Antiquités Nationales, mais on le met très loin, on le met dans une périphérie assez difficile à atteindre, même de nos jours, et on va lui donner assez peu de crédit, d'où du coup peu de public. Et quand il y a un grand travaux présidentiel qui était une des marques de la Ve République jusqu'à Nicolas Sarkozy, on va refaire, on va faire la Villette, le Grand Louvre et sa pyramide, le Quai Branly, Orsay. Mais on va pas du tout s'occuper de ce passé, etc. D'ailleurs, nos ancêtres les Gaulois ne sont nos ancêtres que depuis la Troisième République, qui naît justement sur une défaite. C'est là où on les réhabilite. Oui. Et là, on commence à dire c'est nos ancêtres. Mais souvent, on va les chercher dans les moments difficiles. Sous Pétain, justement, on va dire vous voyez, les Gaulois, ils s'entendaient pas, ils étaient indisciplinés, ils l'ont payé cher. Mais heureusement, ils ont été civilisés et il est né un ordre nouveau de cette collaboration fructueuse entre les Gaulois et les Romains. Et souvent, les mouvements d'extrême droite actuels emploient très souvent le terme gaulois pour dire français de souche. Donc c'est compliqué. On a un rapport très compliqué. Ça explique, notamment, puisqu'on parlait d'archéologie préventive au début, ça explique que l'archéologie préventive est commencée beaucoup plus tard en France qu'ailleurs, qu'on ait détruit beaucoup plus de sites archéologiques dans l'indifférence générale que dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre. Alors on va parler dans un moment de la façon dont l'INRAP a été constitué. Là, j'aimerais mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'archéologie préventive. Mmh. Les archéologues, on ne peut plus parler de l'archéologue comme ça. On a l'impression qu'il y a un phénomène de spécialisation, presque comme on le voit en médecine. Mmh. Et ils travaillent avec des géologues, des géomorphologues, des botanistes, des spécialistes du pollen, ça s'appelle les palynologues, etc. À cet égard, j'aimerais qu'on entende une question qui vous est posée par quelqu'un que vous devriez reconnaître. Mon cher Jean-Paul, ces dernières années, la paléogénétique et l'archéogénétique sont des disciplines qui se sont beaucoup développées pour l'étude des populations du passé. Elles restent quand même assez peu représentées dans la communauté scientifique française. Penses-tu que c'est une situation qu'il faut corriger ? Et crois-tu que c'est de l'intégration de ces données venant de la biologie et de données qui viennent des archéosciences ou de l'archéologie plus traditionnelle qu'il faut attendre des progrès dans la compréhension des sociétés néolithiques ou d'autres périodes de la préhistoire? Alors Jean-Paul Demoule, vous avez reconnu... J'ai reconnu Jean-Jacques Hublin, effectivement, qui est un des... Bravo. Le quatrième gros contributeur de ce livre et qui a fait une synthèse inédite et passionnante, justement, sur les origines de l'humanité. Alors, on l'a cité tout à l'heure, Jean-Jacques Hublin, puisque c'est lui qui a co-dirigé les fouilles sur le site marocain de Jebel Erhout, qui fait reculer de 100 000 ans la datation du premier Homo sapiens. Du premier Homo sapiens, et il dirige un important laboratoire du réseau Max Planck à Leipzig en Allemagne. C'est d'ailleurs significatif souvent que nos savants les plus éminents doivent partir à l'étranger pour avoir les moyens de travailler, mais c'est encore une autre question. Alors, par rapport à la question qu'il pose. Et donc là, c'est effectivement tout à fait justifié. J'y faisais une brève allusion tout à l'heure. C'est-à-dire que depuis quelques années seulement, on a les moyens d'extraire de l'ADN ancien. C'est très compliqué, c'est très cher, ça peut monter jusqu'à 60 000 euros, mais c'est de moins en moins cher pour un seul individu. Et donc ça permet de retracer les mouvements migratoires progressifs ou rapides. Et c'est aussi comme ça qu'on a su que vous et moi avions des gènes néandertaliens. Donc ça apporte énormément, mais on a encore peu d'échantillons. Quelques centaines pour toute l'histoire du monde, mais on va en avoir de plus en plus. Et plus on en a, plus on s'aperçoit que effectivement ces mouvements historiques sont compliqués et sont pas des mouvements d'invasion en serré, et qu'il n'y a pas forcément coïncidence entre une communauté de gènes et une culture matérielle donnée. Alors, on voit en tout cas que l'archéologie devient puissamment high-tech, au risque peut-être de voir le public s'en éloigner parce qu'il n'y comprend plus rien. Pour aller contre ce type de mouvement, l'INRAP, qu'on a cité déjà et on reviendra tout à l'heure sur l'INRAP, vient de lancer un nouveau type d'exposition archéologique. Il s'agit des archéocapsules et Antoine Beauchamp, vous êtes allé voir comment l'archéologie peut résonner avec le présent. Oui, bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est Thérésia Duvernay qui est directrice du développement culturel et de la communication de l'INRAP et Alessia Bonanini, chargée de mission valorisation culturelle, exposition également à l'INRAP, qui m'ont reçu. Elles m'ont expliqué le principe de ces archéocapsules qui proposent une nouvelle façon d'exposer thématiquement les découvertes archéologiques. Pour l'instant, une dizaine de thèmes ont été retenus pour ces archéocapsules, parmi lesquels la santé, l'esclavage, l'alimentation ou encore les migrations. C'est de ce dernier thème justement dont nous avons parlé, en particulier puisque l'exposition de cette archéocapsule « Archéologie des migrations à la Maison des Métallos » à Paris vient de s'achever. L'idée est de convoquer les découvertes archéologiques pour les faire entrer en résonance avec des problématiques qui se sont posées à toutes les époques traversées par l'humanité, et ça implique évidemment notre présent. Alors les archéocapsules sont conçues de façon à pouvoir rencontrer le public et leur délivrer un message fort, d'où le parti pris visuel qui est très présent, de façon également à pouvoir être présent dans tout type de lieux, des lieux plus traditionnels comme des musées, mais également des lieux plus inattendus qui reçoivent du public et qui ne sont pas forcément des lieux culturels. Donc là, on est en train de travailler avec différents partenaires pour justement voir comment on pourra avoir une présence dans des lieux qui reçoivent du public, qui ne sont pas spécifiquement des publics de l'archéologie, voire des publics spécifiquement culturels. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cette archéocapsule, archéologie et migration ? Le principe même est muséographique et de contenu et de design de l'archéocapsule est un choix de 6 exemples qui sont à même de à la fois représenter un échantillonnage de temps et de géographie et de soulever à chaque fois qu'un exemple est proposé, soulever une question pertinente, un peu inattendue sur la migration. Bien sûr, la chronologie des exemples appelle aussi certains questionnements plutôt que d'autres. Donc, pour faire le tour de l'archéocapsule migration, le premier exemple qu'on a choisi est l'arrivée des hommes en Australie, qui s'est passé il y a 65 000 ans pour l'Australie. Et ce qui est très étonnant, c'est que les hommes naviguaient déjà. Ils sont arrivés en Australie en bateau. Donc, c'est une manière de télescoper d'une certaine manière le temps pour vraiment se rendre compte que c'est complètement des hommes comme nous et en même temps de se dire qu'est-ce qui pousse les hommes à partir. Voilà la question. Qu'est-ce qui fait que les humains bougent? Et après, on avance dans le temps avec un exemple issu plutôt du nomadisme. Donc, on a pris un exemple d'un petit caillou gravé avec un très joli bouquetin trouvé à Saulges, ici en France, qui a été gravé il y a 20 000 ans. Et on prend le départ de cet exemple pour dire, mais alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire être nomade? On a été nomade pour la plupart de notre existence. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit nomade, tout de suite, on a une connotation différente? On avance ensuite avec un exemple issu du moment néolithique où, en raison de la sédentarisation, apparaissent immédiatement des questions de propriété, de devoir alimenter des gens, donc d'installation, donc d'accumulation de richesses, d'inégalités, voire de conflits. Donc, on présente comme exemple un exemple très, très ancien, parmi les plus anciens français en tout cas, de conflits avérés avec des bras arrachés, d'ennemis, voilà, et qui se situe en tout état de cause dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de groupes humains qui luttent pour la possession, si on peut utiliser ces mots contemporains, d'un territoire. On continue ensuite avec l'Empire romain qui nous sert de par son étendue et sa politique migratoire avant la lettre à nous interroger sur l'ancienneté finalement de ces problématiques dès lors qu'il y a un pouvoir central à l'œuvre. Un autre exemple de la fin de la romanité, du début du Moyen-Âge, qui présente la déformation crânienne d'une jeune fille qui était une pratique des Huns, une population venue des grandes steppes d'Asie, et qu'on a retrouvée sur un territoire qu'on définirait aujourd'hui français, en tout cas ça fait partie de ces grands flux migratoires. L'archéologie montre que dans la même sépulture donc, où on trouve cette fille qui de toute évidence est imprégnée de cette culture, il y a aussi un peigne allemand et elle est habillée à la romaine, donc quid du métissage? C'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui et qui est à la base même de la culture de tout un chacun. Et on termine sur une question plus large qu'on se pose grâce à l'exemple viking, qui est assez intéressant parce que archéologiquement en France, il y a très peu de traces, en Normandie notamment, du passage viking, alors qu'il est bien sûr attesté. Mais pourquoi est-ce que on est si tenté de se revendiquer de vikings alors que archéologiquement les traces sont très ténues et que les dernières recherches, y compris de l'INRAP bien sûr, ont démontré que même des monuments qui étaient attribués aux vikings encore il y a des années finalement n'étaient pas du tout vikings. Donc qu'est-ce qui fait qu'on veut se revendiquer d'un certain, une certaine ascendance plutôt qu'une autre? Les origines sont peut-être un mythe. Donc voilà que, au travers le temps, l'archéocapsule, dans ce format compact, est là précisément pour éveiller un questionnement. Et puis, peut-être donner envie aux gens de relire l'archéologie et l'appréhender d'une manière totalement nouvelle, plus utile peut-être. Comment aujourd'hui, cette approche, cette démarche-là est perçue à la fois par la communauté scientifique archéologique, mais aussi d'autres disciplines? Et comment est-ce que ce type d'exposition est aussi reçu par le public? Alors, il faut savoir que l'archéologie, par nature, est interdisciplinaire et que de plus en plus, les dialogues entre chercheurs d'autres disciplines et archéologues se font de façon presque permanente. C'est aussi parce que l'archéologie s'autorise à s'affranchir en quelque sorte du passé et à venir nourrir des réflexions du présent que l'on arrive de plus en plus à avoir ces interactions avec d'autres sciences humaines. concernant la réception par le public, donc c'est tout à fait novateur et récent pour nous, puisque la première fois qu'on l'a exposé au public, c'était dans le cadre d'un partenariat avec la Maison des Métallos qui s'est achevé lundi dernier. Et donc on a eu la chance de pouvoir présenter au public l'archéocapsule Migration, notamment dans le cadre du festival Migrant Scène de la CIMADE, qui était accueilli à la Maison des Métallos. Et la réception a été très très bonne. Le fait que ce ne soit pas des questions ou des problèmes uniquement de 2018 ou des 10 dernières années, mais des situations qui ont concerné l'homme, donc en tant qu'espèce, depuis la nuit des temps, ça c'est des choses qui ont vraiment parlé au public et qui ont permis soit d'éveiller des questionnements, soit d'adoucir aussi certains ressentis de certains publics qui se sentaient stigmatisés par certains discours qu'on peut entendre ça et là. Donc je pense que le pari est gagnant et que sur les autres thématiques, on espère que ça sera la même chose. Celle sur la santé et le soin, par exemple, on pourra la tester en début d'année prochaine. Ce sera très intéressant de voir ce que la perception de l'archéologue, par exemple, de la place des personnes en situation de handicap dans les sociétés du passé nous dira et nous fera réfléchir sur notre façon d'aborder aujourd'hui la question du handicap en 2018. Donc je crois que le télescopage des temporalités va vraiment très bien fonctionner pour montrer en quoi l'archéologie nourrit le présent. Alors ce nouveau type d'exposition archéologique, les archéocapsules, a été créé par l'INRAP, c'est-à-dire l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Pourquoi Jean-Paul Demoule, aujourd'hui en France, on a besoin d'un institut comme celui-là qui veille à la préservation des vestiges ? Bien, en général, on a à chaque fois que il y a eu un grand problème, une grande question scientifique, on a créé un ou plusieurs grands instituts. Quand la loi sur l'archéologie préventive a été votée par les parlementaires en 2001. Dans la logique de ça, la même loi crée aussi a créé l'INRAP et lui a confié l'ensemble des recherches préventives, quitte à s'associer à des structures de recherche existantes comme évidemment les universités et le CNRS, mais aussi les services archéologiques de collectivités locales qui existent dans un certain nombre de régions de France, soit de villes, soit de départements, soit d'agglomérations. Donc c'était pour définir une politique générale, avoir des méthodes homogènes, centraliser la documentation, etc. Donc c'est pour ça que l'INRAP a été créé. Ça a été remis en partie en cause un peu plus tard, parce que certains parlementaires ont pensé que, puisque c'était si cher qu'ils se l'imaginaient, les prix de l'INRAP, eh bien on allait créer la concurrence, on allait favoriser l'émergence d'entreprises d'archéologie préventive privée, d'entreprises commerciales. Donc ça c'est une loi de 2003. Oui c'est ça, et qui repose sur une confusion mentale, puisque quand vous et moi on veut acheter une voiture, on va chercher le meilleur rapport coût-profit, qualité-prix. Mais l'aménageur qui paye, puisque c'est l'aménageur qui paye, sauf si c'est les particuliers ou donc des petits aménageurs. C'est la SNCF, oui. Les autoroutes, les lotisseurs, etc. Eux, ils vont pas chercher le meilleur rapport coût-profit pour acheter la meilleure recherche archéologique possible. Ils veulent juste qu'on leur déblaye leur terrain rapidement. Alors certes, il y a un contrôle par les services du ministère de la Culture, mais qui sont très peu nombreux et qui peuvent pas être derrière chaque fouille. Et donc c'est vrai qu'il y a une tendance depuis quelques années assez préoccupante où certaines entreprises privées, pas toutes, mais vont avoir pratiqué des prix de plus en plus bas pour emporter le marché. Je dis marché entre guillemets parce que c'est pas un marché au sens classique. Donc l'INRAP aussi va devoir baisser ses prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que les archéologues sur le terrain ont moins de moyens et moins de temps, et également moins de moyens et moins de temps pour l'étude ensuite. Donc c'est pas une situation... Et en plus, il y a des emplois des gens qui sont précarisés. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait un papier de Libé il y a quelques temps sur ce sujet qui parlait d'un nouveau prolétariat de la poussière et de la boue. Oui, oui, oui, c'est de mon ami Laurent Olivier qui est conservateur au musée d'archéologie nationale. Effectivement, c'est quelque chose qui est. C'est pas les archéologues qui travaillent dans ces structures qui sont en cause, puisqu'il y a un certain nombre d'étudiants, y compris de mes étudiants, puisque ça crée des emplois, mais pour favoriser l'émergence de ces structures. Bercy et les ministères successifs ont souvent plafonné les effectifs de l'INRAP, c'est-à-dire l'empêchant de recruter plus, donc du coup, favoriser l'émergence de ces sociétés privées. Donc c'est pas les archéologues qui travaillent qui sont en cause, mais c'est la logique du système qui est plus la politique de certains dirigeants qui consiste à casser les prix. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça met réellement en danger l'archéologie préventive ? Ça les met pas totalement en danger puisqu'elle continue à exister, mais elle pourrait se porter beaucoup mieux, ça c'est certain. D'ailleurs, très régulièrement, il y a eu des rapports. C'est d'ailleurs un symptôme très particulier à l'archéologie. Il y a pratiquement depuis le premier rapport qui était dû à Jacques Soustelle en 1976, il y a pratiquement eu en moyenne un rapport par an sur l'archéologie préventive, ce qui prouve qu'il y a un problème et ça rejoint ce qu'on disait sur le rapport au passé. Et donc régulièrement, il y a des rapports qui constatent qu'il y a un problème, mais Alors il faut dire qu'il y a des chiffres qui sont étonnants par rapport à l'urbanisation en France. Par exemple, les travaux d'aménagement sur le territoire national affectent chaque année 700 km² de sol. Oui. C'est 20 m² à la seconde. Oui, c'est ça. C'est un terrain de football toutes les 4-5 minutes, pour prendre une comparaison. C'est la surface d'un département tous les 10 ans. Et ça, c'est pas renouvelable. On peut, à la rigueur, remettre des ours dans les Pyrénées, tant bien que mal, mais on peut pas reconstituer un site archéologique. Donc, quelquefois, quand un maire me dit, mais monsieur, vous travaillez pour les morts, moi pour les vivants, je lui dis, oui, peut-être, monsieur le maire, mais vous serez peut-être pas vivant indéfiniment, mais par contre, vous êtes en train de détruire définitivement le patrimoine de tous les futurs vivants. Donc, c'est quand même une lourde responsabilité. Vous avez été président de l'INRAP pendant ces années et même aujourd'hui. Quelles ont été les découvertes faites en France qui vous ont le plus ému ? C'est difficile à dire parce que il y a le chantier l'INRAP, c'est plusieurs centaines. Enfin, d'abord, c'est toujours en deux phases. Il y a une phase diagnostique. On cherche s'il y a quelque chose avant une opération d'aménagement. Puis, s'il y a quelque chose, on fait une fouille. Donc, comme ça couvre toutes les périodes, c'est difficile à dire. Mais m'intéresse plus particulièrement au néolithique. Donc, quand je vois un site néolithique, alors que c'est particulièrement peu spectaculaire, hein, c'est les traces de poteaux d'il y a 7000 ans, c'est juste des taches noires, ça fait toujours quelque chose. Les périodes les plus anciennes également, à Bergerac, il y avait un atelier de taille d'hommes de Néandertal il y a 50 000 ans, Alors souvent, on oublie qu'il y avait des humains, on est dans le travail archéologique. Mais... Voilà, et bien Jean-Paul Demoule est ému par les traces de poteaux résiduels qui datent de l'époque du néolithique. Merci à vous Jean-Paul Demoule d'avoir été avec nous pendant cette émission. Vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif « Une histoire des civilisations » chez La Découverte et INRAP avec Dominique Garcia et Alain Schnapp. Vous avez également écrit « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» au Seuil en 2014 ou « La révolution néolithique en France à la découverte » en 2007, puisqu'on a parlé de ça pendant l'émission qui vient de se dérouler. Sur ce sujet, vous pouvez aussi réécouter la semaine spéciale consacrée à la préhistoire de la fabrique de l'histoire. Et bien sûr, il y a l'émission de France Culture, Carbone 14, animée par Vincent Charpentier, tous les dimanches de 20h30 à 21h. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausen et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique Jean Frédérix. Demain, dans la méthode scientifique, ce sera la table ronde de l'actu avec Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de Pour la Science, Sylvain Guibaud du magazine La Recherche et David Loapre, créateur de la chaîne YouTube Science Étonnante. Ce sera donc pour demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.